vais tirer un pas sur tout ce qu'on s'était promis. Tirer un pas sur tout ce qu'on s'était donné. Je serai sur le toit du monde quand viendra la tramontane. Ma bouteille et mes songes, et je vais rentrer la montagne. La nuit va détruire, bébé, tout ce qu'on a bâti. Un mélange de haine et d'amour quand je pense à toi. On n'est pas les mêmes, en vrai, j'étais pas tenté. J'ai caressé ton cœur le seul jour, j't'ai pas menti. Tant pis, j'm'en vais, j'lâche tes mains. On s'est juré que des conneries auxquelles on croyait pas. C'est triste comme un hiver, tout au fond de tes yeux. Et dorénavant, oh. Même si j't'aimais vraiment, j'ai vraiment oublié tout ce qu'on s'est dit sincèrement. Et tout ce qu'il y a de mieux, si seulement ça suffisait. Ferme les yeux, tourne la page. Comme si je n'étais personne. Comme si rien n'a jamais été. Fais comme si je n'ai jamais existé. Mais j'ai existé. J'aurais ce que t'as des besoins. Mais je m'en suis pas servi. Non, je m'en suis pas servi. Je vais tirer un trait sur tout ce qu'on s'était promis. Tirer un trait sur tout ce qu'on s'était donné. Je serai sur le toit du monde quand viendra la tramontane. Ma bouteille et mes songes, et je vais rentrer la montagne. La nuit va détruire, bébé, tout ce qu'on a bâti. Un mélange de haine et d'amour quand je pense à toi. On n'est pas les mêmes, en vrai, j'étais pas tenté. J'ai caressé ton cœur le seul jour, j't'ai pas menti. Le mode des ennuis, y'en a assez. On dirait que t'en as jamais assez. Échange de regard, glacé. J'n'ai que des remarques déplacées. On n'est pas si différents. On s'apprend puis on se comprend. Les jours passent, on sait tout dit. Les mois passent, on entreprend. À la base, on sait rien promis. Mais le temps a promis pour nous. J'ai conduit en plein incendie. Tu sais que j'y retourne avec ou sans toi. J'suis pas comme tous les autres à qui t'as prétendu donner ta vie. T'as pas tourné la page, en vrai. T'as préféré changer une ligne. Compromis, jalousie, désolé. On s'en va, on s'en met, c'est trop laid. Comme d'hab, on s'emporte le tourment. Oh. Je tire un trait sur tout ce qu'on s'était promis. Tire un trait sur tout ce qu'on s'était donné. Je serai sur le toit du monde quand viendra la tramontane. Ma bouteille et mes songes, et je vais rentrer la montagne. La nuit va détruire, bébé, tout ce qu'on a bâti. Un mélange de haine et d'amour quand je pense à toi. On n'est pas les mêmes, en vrai, j'étais pas tenté.